96.2, si vous venez nous rejoindre, Chantal avec vous jusqu'à 17h pour votre émission Groupe Tropical. C'est l'été, les vacances, le meilleur de la musique qui vont vous accompagner tout l'été, rien que sur le 96.2. Pendant 2 heures, bien sûr du zouk, des nouveautés, du compas, de la salsa, etc., etc. En tout cas, moi je vous souhaite un très très bon après-midi ensoleillé en ma compagnie. ciel, aille chercher le soleil. Moi qui fais mille et mille folies pour faire plaisir. Et moi qui ai goûté, tout nous toujours bien. Si pour moi crier, divinité, moi qui fais l'amour dans chez moi. Parfaites-moi la paix, non. Parfaites-moi la paix. ciel, c'est du soleil. Soleil. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Chimel en bout, d'après tirer l'amour. Nous c'est poignet bête qui s'est levé, flambeau liberté, à dignité, qu'elle va nous aider. N'a souci tout, y'a fait qu'à libérer. Chaîne solidarité, même si on vit à l'étranger. Nous devons échanger, puis qu'il la caille, c'est maintenant, mais pour travail. Tout a ici concerné, mais pour payer danser. En nous dit non à la corruption. Si vous respectez cette nous devons pour trouver une solution. Ah, c'est le genre de choses qui vous donne la pêche quand même. Hein. C'est beau bah, sur le 96.2. Bah, du soleil, hein, du soleil cet après-midi, même s'il n'y en a pas trop dehors. Noir arc-en-ciel, on a bien aujourd'hui. Allez, restez bien calés sur la 96.2 parce qu'on va continuer comme ça avec un petit peu plus de... Ouais, un petit peu plus cool quand même. Un petit peu plus... Oui. Ben, number one. Ma number one, je vais dédicacer à Colette, une fidèle auditrice de Radio Arc-en-Ciel, et je vous embrasse et merci, merci, merci beaucoup de votre fidélité au 96.2. Votre fidélité au 96.2, on va y arriver. 15h, 17h, c'est Chantal qui vous accompagne. Pour entrer dans la vie, moi sans frapper, sweetie pretty girl. Non pas pour comme temps pour nous mélanger. Yeah, pas nous nier qui nous pour mettre mes gueules. Sans faire faux qu'arriver comprendre moi. Il est nous tous les deux la cigale. Moi qui appelle tout sens, moi je t'enlève. Fais mes planètes, ou qu'à ma l'idée. Slow motion, nous casserons, nous qu'à décoller. Nous sommes comme nous, et même ça. Quand tu enlèves ma chemise, c'est qu'on veut encore. Je t'annonce sur le dos, ça devient hardcore. Et dans ces moments-là, moi j'en fais la boussole. Avec toi, c'est pas facile de garder le contrôle. Nous qu'à homme, il faut, c'est les déconnes, nous qu'à faire. en harmonie. La FM en couleur. En couleur. Avant tout, c'est à vous de décider, yeah, yeah. Je te donne un avant-goût. Rester ensemble serait un progrès égal. Réussir à tenir debout, mener notre aventure bout à bout. Mais je ne suis à vous de décider, si oui ou non je méritais. Mais dites oui sans hésiter, ce ne sont que mes idées. Baby girl, à vous de décider, si oui ou non je méritais. Mais dites à vous de décider. nouveau, ça vient d'arriver sur les platines. C'est le tout dernier album de Tina Line avec ce titre, c'est tout, reste Corinthe. Oui, on a encore une bonne heure à passer ensemble quand même jusqu'à 17h. Votre émission Groupe Tropical sur Radio Arc-en-Ciel. Et puis grosse pensée tout de suite en Haïti qui traverse quand même une grave crise et dramatique. En ce moment, je vous propose un clin d'œil avec le groupe Class en live. 96.2. La FM en couleur. Très belle chance. Beaucoup de souvenirs quand même. Hein. Allez, restez bien calés sur le 96.2 parce qu'on va avoir d'autres nouveautés pour vous. Tout de suite, c'est Lizzy Nice avec ce titre Tomber à genoux. Pas nous. Voilà, 14h. Non, c'est pas 14h. C'est 15h. Oh, il y a un petit décalage horaire, on dirait. 15h, 17h, votre émission Groupe Tropical, et c'est Chantal qui vous accompagne. Très très bon après-midi en ma compagnie. Un sacré a toujours apprécié. Si on te dit, moi, on te prie, si on joue. On te dit, on pas essayé. On te tazote, ça y est, non, soit pas sa fouette et mon canton. C'est vrai qu'il a toujours apprécié. Thank you. mathématiques pour affronter la vie, pour qu'elle meilleure dans la pluie. La vie ou la mais j'apaisie. Je me suis fait une raison. L'amour et la passion sont

Alan Cavey avec Mademoiselle Tia. Superbe voix d'ailleurs, Tia, hein, vraiment, avec ce titre, un bout de mon amour. On va continuer comme ça avec la musique qui nous vient d'Haïti. Et c'est Monsieur Yanni Martini. Quand il veut. Tropical, chaque jeudi, 15h-17h. Gueule ou même bas ou l'homme. Un peu caroté, mais c'est pas sauvé. Gueule ou même bon richesse. Pour tout son monde, mon dit pas assez. Gueule ou même bas ou l'homme. M'a cherché tout le temps pour être dans la vie. Tout ça me gagne, c'est pour m'offrir. Listen to me, girl. Fais plaisir, c'est tout ça que t'aimes. Chaque fois qu'elle me bat, c'est non pas qu'un dame. Moi, y'a fait au sac, j'aime pas entendre. S'ils sont pas comprennent, moi, qu'on t'aime, c'est l'âme ta content. Fais tout sacrifice pour gagner, on a la vie, mais c'est pas ça où est. C'est ça où est, dame, ouais. Gardez ma chef, on parle. Yo, yo, yo, yo. Allez, je m'en zèle ma tête. M'en zèle ma tête. seul match. C'est sous lui tout j'ai braqué. Tout j'ai braqué sous lui. D'être avec lui, d'être avec lui. J'ai mon cœur de même de te wear me down. Et moi t'as eu pour m'accuser à l'heure. Si vous croisez le but c'est pas un sort. Vini chez lui pour nous café de gare. Si vous êtes ce soir avec moi. Si vous êtes ce soir avec moi. Non, pas ça qui t'est belle si on t'a tout salé. Pas inquiète, on sait bien qu'à prêter pour nous dé. Mais ce n'est pas bien, c'est bon, et ça qui t'est passé. Qui t'est passé, qui t'est passé. Non, pas ça qui t'est belle si on t'a tout salé. Pas inquiète. ciel, c'est du soleil. Soleil. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Plein les oreilles. ça sent bon les vacances quand même, hein. Le groupe qui taille. Oh, ça fait du bien. Mais les bonnes choses ont toujours une fin, pour qu'elles recommencent, ben, il faut s'arrêter un petit peu. En tout cas, moi, il est presque l'heure de vous quitter, presque 17h. Avant de se quitter, je voulais quand même vous remercier pour votre fidélité au 96.2. Et puis, je vous retrouve, et bien, figurez-vous que je ne vous retrouve qu'au mois d'août, parce que je prends quelques jours de vacances. Voilà, tout simplement. En tout cas, eh bien, prenez soin de vous, restez en pleine forme, profitez du soleil, et je vous dis à très très bientôt. Au revoir. Et bonnes vacances à tous. Líbranos de aquel que nos domina. la quebrada, limpia como el fuego el cañón de mi fusil. Hágase por fin tu voluntad aquí en la tierra. Danos tu fuerza y tu valor al combatir. Sopla como el viento la flor de la quebrada, limpia como el fuego el cañón de mi fusil. Y mírate las manos para crecer, estréchala a tu hermano. Juntos iremos unidos en la sangre, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Para saber mais sobre este e outros panfletos, vá ao grupo deste programa na página de Facebook da Antena 1 ou ouça qualquer episódio em RTP Play. Foi assim mais uma edição de panfletos com Pedro Tadeu na Antena 1. As notícias das 4 depois, a emissão com o Filomena.